barrage, barrage, unité de feu, unité de feu. La ténébreuse unité de feu. 7-7-9-1, voici Evry Courcorel, les Corleones de Don Corleone. Et sonne Seine-et-Marne, le 9-1, le 7-7, Al Capote, Katana. Barrage, barrage, danse avec lui, danse avec lui. On deal, on vise, on braque, on vole. Danse avec les loups, du shit dans le sang, un taux d'alcool. Danse avec les loups, s'asseoir en taule ou dans un hall. Danse avec les loups, à toi de garder le contrôle. J'écris des chansons envoûtantes, aucune émotion dans le boucan. Explosion, extorsion en tout genre. Je crée chaque nuit ou tous les jours. Prenez la fuite ou couchez-vous avant que j'appuie sur la gâchette. Vous serez roué de coups. Rien n'est gratuit, faut que je trouve des sous. Sous la neige, la pluie, du rap fluide. Pour la suite, je mets les bouchées doubles. Mes aigles de Carthage te saccagent. Plus de F et Farage dans les parages, on fait des ravages. Démarrage hold up, j'suis fucked up. On a de l'herbe en entrée, du seum en heure d'os. Alors, le 9-1 et le 7-7, brise tes vertèbres. On baise la jet set en fumant du Z sec. J'ai tort d'être aimable, les gosses lèchent des jattes. Et son scène et marne, c'est drogue, sexe et rap. On met trop de panache pour le G-Pro à Farage. C'est Jonathan H, fiston, j'ai pas ton âge. On deal, on vise, on braque, on vole. Danse avec les loups, du shit dans le sang, un taux d'alcool. Danse avec les loups, s'asseoir en taule ou dans un hall. Danse avec les loups, à toi de garder le contrôle. Danse avec les loups. Chez nous on baisse pas les potes. Si tu croyais que t'étais le best à l'époque, fallait pas tester, tourner ta veste à l'étoffe. Fais vite en caisse, ma bite en caisse, voilà l'outsider. C'est gigantesque, on quitte sans cesse avec son lot de saveur. Mais qui conteste celui qui empiète, on lui baisse sa mère. Ouais, on laisse par terre, avec son caisse ta frère. Emmène ta calage, barrage, mitrailleur en état de guerre. Y'a des plaques à faire, des cœurs en état de pierre. Tous en état de fièvre, ils avant d'état, yeah. En gros ou d'état, yeah. On veut le Porsche Cayenne. Quitte à missionner sous le Porsche et que les Porsche aillent. A nous la victoire, ça se répète à temps. Y'a tes têtes à bande, des pépettes à prendre. Suffira pas d'être à cran. A nous la victoire, on débarque pour marquer les gens. Bébé fais ta grande, mais n'oublie pas d'écarter les gens, okay. On deal, on vise, on braque, on vole. Danse avec les loups, du shit dans le sang, un taux d'alcool. Danse avec les loups, s'asseoir en taule ou dans un hall. Danse avec les loups, à toi de garder le contrôle. Sergio Catana, noir et fier, au 9-1 et sonne pyramide CNL. Evry Courcouronne, Bruno Haute-Mardel, on dédie nos rivières. J'mo, si j'me réfère au revirement de certains frères, on frappe à long feu pour les bâtards. J'rappelle qu'on sort d'Afrique, on sous les matelas la lune, on reste en droit comme des réverbères envers les vrais. Toujours habitués à faire les frères, leur vivacité s'attire des lattes longues comme la fonce des faces à Terry Putschmidt, plus gros criminel de la map monde. Maltraite nos mères sous nos yeux pour qu'on craque et frappe ou pour qu'on parle, non pas la pute d'endurance qui nous fatiguera lors de l'interrogatoire. Les petits regards droit, les énerve vite, vite, plonge à terre, écarte-toi. Si t'as peur d'une fuite nasale, plus que d'une trahison, neutralise en tout du métal, vol vers ton crâne, inoté le centre. Intéressant pour France, nos textes mettent de l'essence sur ses cheveux comme grignissante, montre à l'exemple en terrassant plusieurs flics. On deal, on vise, on braque, on vole. Comment ça danse avec les loups, du shit dans le sang, un taux d'alcool. Comment ça